Chapitre 2e. De la place Grimaldi au théâtre où se donnait le Bellione, il n'y avait guère plus de 12 minutes en voiture. Elles suffirent pour dissiper cette émotion presque enivrée, où l'arrivée au rendez-vous avait jeté l'amoureux. Il était, hélas, et pour tout de bon, de cette femme si fine et si jolie encore, dont il voyait les prunelles briller à travers le masque, d'un éclat où il devinait une fièvre. Rien qu'à se trouver à côté d'elle dans ce fiacre, à cette heure de la nuit, Duclos avait senti que sa présence à lui n'était pour rien dans ce trouble de sa compagne. Le terme de viveur employé tout à l'heure à son occasion aura sans doute donné de lui une impression qui n'est pas exacte. Ce mot emporte avec soi une idée de blasement et de brutalité. Or, Duclos était de cette race d'hommes qui naissent et qui meurent romanesques, quelques milieux qu'ils aient traversés, quelques expériences qu'il se soit permises. Le signe particulier de ces natures est que, chez elles, le désir s'accompagne toujours d'émotions. C'est le contraire chez les vrais libertins, qui arrivent vite au divorce absolu des sens et du cœur. Un très fin moraliste, Joubert, a profondément marqué cette vérité quand il a dit que la débauche suppose beaucoup de froideur d'âme. Oui, Duclos avait eu les mœurs et les aventures d'un viveur, mais il était arrivé à 50 ans sans que ces trop nombreuses fantaisies où il avait dépensé sa jeunesse eussent aboli entièrement chez lui le sentimentalisme natif. Il se fut méprisé, par exemple, d'abuser du tête-à-tête auquel l'avait convié cette femme qui lui plaisait passionnément, et celle-ci ne l'y avait convié qu'à cause de la connaissance intime qu'elle avait de ce côté chevaleresque. Il arrive, et c'était le cas pour Duclos, que cette délicatesse développe dans les hommes de cette sorte une perspicacité presque maladive à force d'être aiguë. Il est très aisé à une femme qu'ils aiment de les trahir. Il lui est très malaisé de les tromper. On dirait qu'ils la sentent sentir ou ne pas sentir. Les roues de la voiture qui emmenait Guillaume et Madame de Montclair n'avaient pas tourné le coin de la rue qu'ils savaient qu'elle n'allait où elle allait que pour un autre. Toute l'énigme de ce caractère de femme s'imposa de nouveau à lui, d'une manière d'autant plus pressante qu'elle était là, si voisine et si distante, si confiante et si fermée. Depuis le moment où le fiacre s'était mis en marche, elle n'avait pas ouvert la bouche, et de son côté, lui, n'avait pas prononcé un mot. Il y avait quelque chose de fantastique dans cette course muette à travers les rues de cette ville enivrée, que remplissait de son tumulte la gaieté d'une folle nuit de fête. Un peuple allait et venait sur les trottoirs, rieurs et qui s'amusait au passage des innombrables masques et de leurs lazzi. Tout en réfléchissant à l'étrangeté de sa propre situation, Duclos avait profité des premiers instants pour assurer son loup sur son visage et rabattre son capuchon. Quand il se fut rendu ainsi méconnaissable, il finit par dire à sa compagne, au moment où ils arrivèrent devant le théâtre, avec une ironie tout ensemble indulgente et persifleuse, « Je suis bien, comme cela, pour le rôle que vous voulez me faire jouer cette nuit. »« Quel rôle ? » interrogea-t-elle. C'était à son tour de parler d'une voix basse, presque étouffée. « Je ne vous comprends pas. »« Et moi, je crois vous comprendre trop, » reprit-il. « Avouez que vous allez retrouver à ce Bellione quelqu'un que vous voulez rendre jaloux. Vous vous êtes dit, Duclos est le comparse qu'il me faut pour cette comédie. Costumé et masqué, il fera encore figure présentable. Il n'en saura rien, et d'ailleurs il le saurait qu'il me le pardonnerait tant il m'aime. Vous ne pensez pas cela ?» répondit Madame de Montclair vivement, et elle serra la main de son compagnon avec une force qui dénonçait sa nervosité. « Dites que vous ne le pensez pas, que vous m'aimiez, » ajouta-t-elle d'un accent qu'il ne lui connaissait point. « Je le crois, peut-être pas comme vous l'imaginez, mais assez pour que j'aie compté sur vous ce soir. » Puis, suppliante et joignant ses mains d'un geste passionné, « Je vous jure, mon ami, que je n'ai jamais eu l'affreuse idée que vous me prêtez. Non, je n'ai jamais projeté de me servir de vous pour rendre quelqu'un jaloux. Je sais trop ce que l'on souffre. J'ai besoin, vous entendez, besoin d'être là ce soir. » Elle mit à souligner ce mot une ardeur qui ne permettait pas de douter qu'elle fût sincère. « Je pouvais y aller seul. Je n'ai pas osé. Je vous ai pris, non pas comme un comparse, mais comme un protecteur. Si je me suis trompé, si vous n'êtes pas assez mon ami pour me rendre un immense service. » Elle souligna encore ces deux mots, sans me demander d'explication, sans me soupçonner d'une odieuse manœuvre alors. Elle parut hésiter une seconde et résolut. « Alors, laissez-moi. Maintenant que j'ai tant fait que de venir jusqu'ici, j'ai la force d'aller jusqu'au bout de ce que je veux. Je vous demande pardon, dit simplement Duclos, après un silence. Il avait senti que Louise ne lui mentait pas. Il était remué par la souffrance empreinte dans son accent et dans son regard. Sa curiosité aussi était piquée au vif. Quel motif, sinon un poignant intérêt d'amour, pouvait bouleverser cette femme après l'avoir décidée à une équipée si audacieuse et si extraordinaire, étant donné son rang et ses habitudes? En même temps, car il ne faudrait pourtant pas prêter à ce vieux Parisien une innocence qui n'était pas la sienne, cette demi-confidence et cet appel à sa complicité avaient réveillé en lui une autre idée encore. Les bonnes fortunes par dépit ne sont assurément pas les plus flatteuses, mais ce sont les plus fréquentes. Avouons donc un secret calcul se mélanger à l'attendrissement avec lequel l'ami continua. Vous avez eu raison de croire que je vous étais absolument dévoué. Oubliez une injuste plainte qui vous prouve seulement combien je suis sensible quand il s'agit de vous. Et disposez de moi à votre gré. Je ne chercherai même pas à comprendre. Merci, répondit-elle en lui serrant de nouveau la main. C'était, cette fois, la pression douce et abandonnée d'une femme reconnaissante dont la faiblesse trouve un appui sûr. Cette petite main, Duclos ne la laissa plus se retirer. Au froissement de ses doigts minces crispés sur les siens, il pouvait mesurer l'agitation dont Louise était possédée. Lorsqu'ils descendirent de voiture et qu'ils s'engagèrent dans l'escalier du théâtre, où bouillonnait un flot grouillant de foule, ses petits doigts se firent plus nerveux encore pour agripper son bras. À travers l'étau flottant du domino, l'amoureux sentait contre son coude le cœur de la pauvre femme battre à coups précipités. Où allait-il? Elle semblait ne pas le savoir elle-même, tant son pas, d'après lequel le soi-disant protecteur réglait le sien, se faisait hâtif ou lent tour à tour. Évidemment, elle cherchait à reconnaître quelqu'un parmi les masques entre lesquels son compagnon et elle se frayaient un passage. Ils parcoururent ainsi le pourtour des loges du premier étage, eux-mêmes regardés et interpellés par les inconnus et les inconnues qui les croisaient, avec la familiarité canaille de pareils endroits. Quel indice encore de l'importance attachée par Louise à l'objet de sa recherche. Les mots, quelquefois grossiers, jetés à son oreille, les gesticulations, très voisines d'être brutales, la faisaient simplement se détourner, sans ce frisson qui la secouait à d'autres minutes, celle où, sans doute, elle croyait reconnaître un son de voix, une silhouette. Puis rien. Cependant, des éclats de musique arrivant de l'intérieur du théâtre attestaient qu'une cohue pire que celle des couloirs remplissait le parterre, transformée, pour la circonstance, en salle de bal. Les gens se pressaient à étouffer autour des portes. Comme Duclos, appréhendant une bousculade par trop violente, disait à sa compagne « N'allons pas là. »« Si, répondit-elle avec décision, c'est là qu'il faut aller. » Elle l'entraînait, en prononçant ces mots, avec une pression si passionnée qu'il lui céda. Ils avaient à traverser une muraille vivante de curieux serrés les uns contre les autres et qui regardaient les danses. Ils mirent un quart d'heure peut-être à se faufiler jusqu'au premier rang, d'où ils embrassèrent enfin d'un seul coup d'œil le bal déchaîné dans le parterre, qu'un plancher artificiel reliait à la scène. L'orchestre jouait sur une estrade, et tout autour, des centaines et des centaines de spectateurs envahissaient les loges, les uns costumés et masqués comme Duclos et Louise, les autres ayant conservé, hommes et femmes, la tenue habituelle des soirées de la Riviera, eux en cravate blanche et en smoking, elles décolletées et en chapeau. Cela faisait, sous les feux des innombrables verres de couleur, un chatoiement d'éclatantes étoffes semées de taches blanches et noires. Le jaune et le violet, les deux nuances réglementaires de la saison, dominaient dans cette masse mouvante. Une rumeur de kermesse emplissait la salle. La bruyante musique avait pour accompagnement le bruit des pieds des danseurs sur le bois sonore, leurs exclamations, leurs rires, les voix des gens qui causaient dans les loges quand ils ne criaient point, tout un confus et immense murmure. Ce bacchanal assourdissant paraissait ne pas arriver aux oreilles de Madame de Montclair, que Duclos pouvait voir maintenant, immobile, scrutant de ses yeux aigus le mystère de toutes ces loges, depuis les avant-scènes comme étalées au-dessus de la foule dans la lumière crue, jusqu'aux baignoires dissimulées dans une propice pénombre. Haussée sur la pointe de ses pieds et sa petite tête érigée comme celle d'un faucon qui va s'élancer, elle cherchait, cherchait toujours. Soudain, un tressaillement presque convulsif de tout son corps. Son compagnon comprit qu'elle avait trouvé. Les petits doigts qu'il sentait depuis l'entrée au théâtre frémirent sans cesse sur son avant-bras, se fixèrent dans une contracture que secouait cette même convulsion répétée par intervalles. Duclos suivit la direction où tendait cet ardent et fixe regard. Il n'aperçut d'abord, dans la rangée des loges placées de ce côté, aucun visage sur lequel il put mettre, non pas même un nom, mais une ressemblance. Si, pourtant, sur le rebord de velours rouge d'une de ces loges, un jeune homme était accoudé, qu'il reconnut. C'était un certain Maurice Prégis, qu'il avait rencontré quelquefois chez Madame de Montclair. Il n'y avait pas prêté grande attention, l'ayant jugé un bel âtre insignifiant, et qui ne pouvait intéresser en aucune manière une femme du goût et de l'intelligence de Louise. Pour la première fois, et sous le coup de cette lumière intense qui donnait un rehaut brutal aux physionomies, cette impression d'insignifiance se changea pour Duclos en une autre, non pas absolument contraire, mais très différente. Ce garçon de 25 ans apparut au quinquagénaire, dans le décor de cette fête de nuit, comme une incarnation vivante de la jeunesse et de la force. Prégis était beau, d'une beauté très fine et très mâle, avec un teint d'une chaude pâleur ambrée, où brillaient des yeux clairs presque gris. L'épaisseur de ses cheveux, la blancheur de ses dents lorsqu'il souriait et lorsqu'il bougeait, la souplesse de ses mouvements disaient la vitalité profonde, les énergies d'un tempérament encore inentamé. Il n'était pas déguisé. Auprès de lui, l'enveloppant de ses regards, lui parlant de tout près, affichant enfin son caprice avec l'impudeur et la liberté de l'endroit, était assise une femme costumée très banalement en pierrette. Son décolletage descendait si bas que toute sa gorge jaillissait de l'échancrure du corsage, de seins divinement jeunes, eux aussi, comme celui au désir de qui cette nudité s'offrait. La tache du cou de cette femme, le galbe de ses bras, donnait l'idée qu'elle n'avait guère plus de 20 ans. De son visage, caché par un masque blanc tressé en filigrane de fausses perles, on ne voyait que sa bouche fraîche, son menton, ses oreilles très petites, et au-dessus du front, l'opulence d'une magnifique chevelure d'une nuance châtain à reflets fauves. Qu'elle fût follement éprise du jeune homme, tout dans son attitude le dénonçait. Elle lui parlait de plus en plus près, son souffle presque mêlé à son souffle. Il lui souriait en lui répondant avec la condescendance d'une fatuité voluptueusement amusée. Il causait ainsi, sans prendre plus garde aux amis et amies qui bavardaient derrière eux dans le fond de leur loge, qu'à la foule pressée au-dessous d'eux ou autour d'eux. À un moment, la jeune femme se leva. Le bras de Madame de Montclair serra celui de Duclos plus convulsivement encore. Prégis sembla hésiter une seconde. Il se leva à son tour. La jeune femme et lui se dirigèrent vers la porte de la loge. Ils n'en furent pas plutôt sortis que Duclos se sentit tiré par sa compagne et lui disait, avec une douleur sur la cause de laquelle il ne pouvait plus se tromper maintenant. « Partons, Guillaume, mais tout de suite. Faites-moi faire place, tout de suite, » répéta-t-elle avec une insistance fiévreuse. « Tout de suite. » Et quand ils furent arrivés de nouveau dans le couloir, après avoir retraversé le mur vivant dans l'autre sens, elle reprit avec la même frénésie à la porte de sortie. « À présent, il n'y en a qu'une, n'est-ce pas ? Ah, mon Dieu, pourvu qu'il n'y en ait qu'une !» Visiblement, elle ne se possédait plus. Elle allait, entraînant Duclos, auquel elle s'accrocha soudain des deux mains pour ne pas tomber. Le jeune homme de la loge venait de passer à côté d'eux et si près qu'il les frôla. Il donnait le bras à la femme au masque de fausses perles. Le manteau dont celle-ci était enveloppée prouvait, ainsi que la pelisse de son cavalier, qu'il quittait le théâtre. Madame de Montclair esquissa un geste pour toucher Maurice Prégis à l'épaule. Elle se contint et hâta seulement le pas derrière le couple. 5 minutes plus tard, une voiture, ailée par un dénervi qui stationnait, guettant les clients à la porte du théâtre, arrivait devant le péristyle. Prégis y disparut avec sa conquête de ce soir, en criant au cocher un nom de villa. Cette voiture avait tourné depuis longtemps le coin de la rue, que Madame de Montclair était encore sur le trottoir, hébétée de ce qu'elle venait de constater, incapable de parler, de remuer, de comprendre. « Madame, » lui dit enfin Duclos, effrayé de cette espèce de stupeur dont il la voyait comme foudroyée. « Madame ?» Elle le regarda, et se réveillant comme d'un accès de somnambulisme, elle le reconnut. Alors, éclatant de rire nerveux qui le déchira, tant il y tenait de souffrance, « C'est vrai. Vous êtes là, mon ami. J'ai cru que j'allais me trouver mal. Il faisait trop chaud dans cette salle. Mais je suis bien maintenant, je suis très bien. Allons souper, voulez-vous ?»« Ah, vous m'aimez, vous, oui, vous m'aimez. » Elle répéta, « Emmenez-moi souper. Ce sera gai, très gai. »« Vous êtes si nerveuse, » dit-il, comme elle continuait à être secouée de ce rire spasmodique. « Ne croyez-vous pas que vous feriez mieux de rentrer à votre hôtel pour vous reposer ?»« Moi, nerveuse ?» dit-elle. « Non, je ne suis pas nerveuse. Je vous répète que je suis gai. Vous ne voulez pas m'emmener souper ?»« Voilà qui est un peu extraordinaire, avouez-le. »« Eh bien, » fit-il, « allons souper. »